ASMR beat making. Alba Beats. Sul beat faccio baciata, movie la mia giornata. Vorrebbero tutti stare con Anna, Posi sa chi comanda. Scrivimi sopra Snap, non ma quale WhatsApp, tu rimani top secret. Quando ho aperto la chat hanno fatto haha, sì tutte le mie amiche. Sono io, va dalla Liguria a Marsiglia. Ero tornata a dire wesh alla famiglia. Fumo vaniglia, so che sta con lei soltanto perché mi somiglia. Beh, se c'è smoke e c'è. Scusa se lo dimostro solo da Prada Chanel. Personne, je lève le pet de la bouche. Ça critique quand les gifs ça louche. Je me montre pas, tu m'entends partout. Brunja, tu me dis, je t'aime mon sang, mais t'es jamais là. J'suis avec mon bébé, elle m'a fait des crêpes au Nutella. Je me prends pas pour tout pas que j'accours. Des roses, des épines dans mon parcours. Faut qu'on s'en aille à Singapour, il faut te niquer, pas besoin de Singapour. Je me prends pas pour tout pas que j'accours. Des roses, des épines dans mon parcours. Faut qu'on s'en aille à Singapour. Perturbé, y'a qu'à toi que je vais penser. Tu sais que je t'aime pour de vrai. Pleure pas, t'es mon bébé. Tu m'as perturbé. Y'a qu'à toi que je vais penser. Tu sais que je t'aime pour de vrai. Viens, on va danser, ah, au lieu de penser, ah, bébé, m'embrasser, ah.